J'aime pas les faux qui jactent, qui trahissent pour des chats. J'aime voir son boule, j'écharpe, ou quand j'ai mes sons qui chartent. J'aime quand mes jeans s'engraissent, assure l'avenir de nos fils. Pas quand la justice française protège des pédophiles. J'suis pas un nouveau riche, j'suis un ancien misérable. J'suis avec une nouveau rite, y'a le poteau qui est libérable. J'aime pas ton air désinvolte, quand j'te parle de révolte. C'est pas tes terres qu'on vole, c'est pas ton peuple qu'on viole. Chérie, j'aime pas te voir réple, sauf si c'est pendant la vraie. Je voulais juste un meilleur train de vie, comme un putain de policier vert. Et si parfois je suis agaçant, affaisse-toi avec cette mélo. J'suis petit marron et attachant, comme un putain de gramme d'héro. Je veux regarder les prix, m'ouvrir les lettres de relance. J'aime son visage quand elle crie, et le bruit de ton silence. Yeah. J'suis comme les Émiratis. J'aime pas regarder les prix, j'aime pas le manque de hiérarchie. Tout le temps fort cadrer les petits. J'aime son visage quand elle crie, et le bruit de ton silence. J'aime pas l'audace de pute qui critique d'autres putes. J'aime pas les bouches de vieilles, j'aime pas les lanceurs de pute. J'aime pas voir ses larmes couler quand je n'ai fait que lui dire ce qu'elle est. Ni voir les anciens de la thèse expliquer dans les escaliers. J'aime pas trop traîner en chicha, j'aime pas les strass sur vos tiches. Je n'aime pas vos sombres panoplies, Philippe plein le boutin aux anotis. Regarde la gueule du monde, j'aime pas voir ce qu'on en a fait. Regarde ta gueule de monstre, tu ressembles à un lendemain de fête. J'aime pas ce putain de yaourt à la cerise qui traîne pendant des semaines dans le frigidaire. Ma petite entreprise connaît pas la crise, changer avec une rigueur militaire. J'aime la joie sur le visage de mes proches, fier de moi comme si j'étais médaillé. J'aime pas les briques à verre du dimanche qui te prennent des échanges pour les détailler. Chérie, j'aime pas te voir réple, sauf si c'est pendant la vraie. Je voulais juste un meilleur train de vie, comme un putain de policier vert. Et si parfois je suis agaçant, affaisse-toi avec cette mélo. Je suis petit marron et attachant, comme un putain de gramme d'héro. J'aime pas regarder les prix, ouvrir les lettres de relance. J'aime son visage quand elle crie, et le bruit de ton silence. Yeah. J'suis comme les Émiratis, j'aime pas regarder les prix. J'aime pas le manque de hiérarchie, tout le temps fort cadrer les petits. J'aime son visage quand elle crie, et le bruit de ton silence.